Ce vendredi à la vie en BD, drôles entrevues avec Alex, Alice et Nyx. Bon vendredi à tous et à toutes. Bienvenue à cette édition de La Vie en BD. Raymond Poirier au micro. Avec vous jusqu'à 18h30, comme à l'habitude, pour parler 9e art, pour parler bande dessinée. Et cette semaine, ben, on aura donc la possibilité d'échanger, de jaser avec deux des invités internationaux du Festival de la bande dessinée francophone de Québec. C'est un peu la suite, en fait, de l'émission de la semaine dernière. On avait le plaisir de recevoir Étienne Davodeau, Lolita Séchant et Johan. Et on a profité également de nos journées au Festival pour faire d'autres rencontre qu'on vous partage aujourd'hui. Donc, Nyx, qui est l'auteur de la série Kinky et Cozy, une série qui est cultissime, si on pourrait dire, du côté de la Belgique, qui est bien connue, je crois, autre part, peut-être un peu moins ici. Alors, si c'est le cas, si ce n'est pas le cas, mais ce sera l'occasion de découvrir cet auteur de talent. Et l'autre entrevue qu'on vous proposera, c'est Alice, autour, en fait, de son Château des Étoiles. Alors, une bande dessinée dans laquelle et pour laquelle il a vraiment renouvelé son approche visuel, couleur directe notamment, et une série qui a connu un beau succès encore là côté européen. Alex Alice qui, de manière générale, de toute façon, n'a plus de sa réputation à faire. Elle est déjà bien faite. Alors, on est bien content de pouvoir vous partager ces deux rencontres aujourd'hui. Alors, c'est notre menu à la vie en BD. Et on passe maintenant aux actualités. Alors, on va porter un regard sur quelques éléments qui ressortent, notamment, ben, évidemment, incontournable, ça a été annoncé vendredi dernier, les récipiendaires des prix Bélis Causa édition 2017, qui ont été remis à l'occasion du 30e Festival de la bande dessinée francophone de Québec, une sélection qui a été effectuée par un jury formé de libraires, de chroniqueurs spécialisés en bande dessinée et d'acteurs du milieu littéraire et du milieu du livre de la capitale. En ce qui concerne les gagnants, ben, tout d'abord, le Grand Prix de la ville de Québec, qui récompense le meilleur livre d'un auteur québécois édité en langue française au Québec, a été remis à Jean-Paul Haide et Claude Paiement pour leur livre La femme aux cartes postales du côté des éditions La Pastèque. Sinon, le prix Albéric Bourgeois, qui récompense le meilleur album d'un auteur québécois édité à l'étranger, a été remis pour sa part à Guy Delisle pour son album S'enfuir chez Dargaud. Le prix Réal Filion, qui lui récompense un auteur québécois pour son premier album professionnel édité au Québec ou à l'étranger, a été remis à Mélodie Vachon-Boucher pour ses 3 carrés de chocolat du côté de Mécanique Générale. Deux prix coup de cœur ont également été remis par le jury à l'attention d'albums étrangers. Ainsi, donc, le coup de cœur album francophone a été remis à Thierry Smolderen et Alexandre Cléris pour leur été diabolique chez Dargaud, alors que le coup de cœur traduction a lui été offert à Miles Hyman pour son album La Loterie chez Casterman. Et comme c'est le cas à chaque année, le Festival de la BD francophone de Québec a également remis un prix hommage, son prix Albert Chartier. Question de souligner l'impact d'un acteur de la bande dessinée québécoise sur la production d'ici et d'ailleurs. Et pour 2017, c'est un hommage posthume à Yvette Lapointe, première auteure québécoise de bande dessinée, qui a été effectuée. Je mentionne d'ailleurs que tout au long du mois d'avril, il est toujours possible de voir les œuvres d'Yvette Lapointe réalisées au fil des années 30 du côté de la maison de Tessier dit La Plante dans une belle exposition. Une première occasion presque depuis, mon Dieu, plus de 70-80 ans, mais de voir et de découvrir, dans le fond, les planches de cette pionnière. Et enfin, pour revenir au BDS Causa, à l'image de l'an dernier, eh bien, le prix Jacques Urtubise a été offert, un prix qui vise à encourager par le biais d'une bourse de 1 000 $ un créateur émergent dans le cadre de la réalisation d'une première publication. Et pour 2017, bien, le prix a été remis à Stéphane Johnson. Sinon, autres éléments dans l'actualité, eh bien, notamment le titre du 37e Astérix et Obélix qui a été dévoilé. Alors, prochain album à paraître qui s'appellera, après Astérix chez les Pictes et le Papyrus de César, ben ça sera Astérix et la Transitalique. Alors, il nous amènera chez les Italiques, les habitants de l'Italie. Nous sommes en 50 avant Jésus-Christ. Les Italiques tiennent à préserver leur autonomie et voient d'un mauvais œil les velléités de la domination de Jules César et de chez Légion. Alors, un album qui est évidemment très attendu, qui risque également de chambouler un peu la sphère des ventes en BD pour cette année, comme c'est le cas à chaque fois qu'un album d'Astérix est publié. Sinon, deux éditeurs s'associent, les Humanoïdes Associés, qui ont annoncé avoir noué un partenariat avec l'édition Critique, spécialisée dans les littératures de l'imaginaire, fantasy, science-fiction et fantastique, ainsi que du thriller. Une nouvelle collection de bandes dessinées intitulée Critique et portée sur l'imaginaire et l'aventure va donc voir le jour. Ça sera dirigé par le responsable de Critique, justement, Éric Marcellin. Alors, on dit, je cite, « De nouveaux projets où les romanciers s'essaieront au jeu du découpage, où les scénaristes de bandes dessinées plongeront dans les univers romanesques des auteurs français contemporains sont annoncés. » Alors, on parle de trois publications déjà qui s'en viennent. « Point zéro », un thriller d'Antoine Traki, « Arca », un voyage interstellaire de Romain Benassia et « Les peaux épaisses » de Laurent Genefort. Et sinon, pour terminer ces notules d'actualité, eh ben mentionnons aussi une nouvelle rédactrice en chef au magazine Spirou. Frédéric Nifle, à l'automne, va céder son fauteuil de rédacteur en chef à Florence Mixel. Ce sera la première fois d'ailleurs qu'une femme est nommée à ce poste. Alors, un changement majeur au sein de la rédaction du journal de Spirou. Alors, on verra évidemment qu'est-ce que ça amènera, ce changement. Il faut dire aussi, et je terminerai officiellement avec ça, qu'il y aura un parc d'attractions Spirou qui sera lancé également en juin 2018. La première pierre du parc sera pour en juin prochain, un parc d'attractions consacré à Spirou et aux héros de bande dessinée de l'éditeur Dupuis, qui va ouvrir ses portes à Montreux, près d'Avignon, dans le Vaucluse. Ce sera l'occasion du 80e anniversaire de ce héros incontournable de la bande dessinée européenne. Alors ben voilà, donc pour ces clins d'œil en musique cette semaine, on écoute Astro the Fox. BD. On profite du Festival de la bande dessinée francophone de Québec pour faire quelques belles rencontres avec des invités internationaux de l'événement. Il y en a beaucoup. Alors, on est bien content d'ajouter une autre rencontre à notre série. On est en compagnie de Nyx, auteur de Kinky et Cozy. Bonjour. Bonjour. Alors, ben peut-être, en fait, pour décrire un peu l'esprit de la série pour le bénéfice de ceux qui ne la connaissent pas. Donc, à travers la série Kinky et Cozy, on habille la vie de deux fillettes d'humour noir, caustique, absurde. Oui, exact. Et qu'est-ce qui vous a amené un peu vers cette piste-là, vers cet univers-là? Est-ce que c'est un peu inspiré de votre vie familiale en partie, de votre humour en général? Je crois mon humour en général, mon goût pour une certaine forme d'humour, parce que j'ai grandi avec l'humour de Kamagurka. C'est un auteur belge, flamand, qui dessine aussi dans... pas mal de magazines français et aussi pour mon amour pour Gottlieb qui est quand même très connu dans le monde de la BD francophone et encore quelques autres sources d'influence comme Monty Python et des chaînes des émissions de télé cabaret hollandais que je ne vais pas nommer parce que ça ne vous dit rien, mais comme je suis un flamand, d'où mon accent d'ailleurs, je suis un néerlandophone à la base, j'ai pas mal goûté de plusieurs sources, de plusieurs langues. Et donc de ces influences-là, de ce désir de faire, d'explorer ce type d'humour-là, parce que je pense qu'effectivement, pour ceux qui ont lu Kinky Cozy, on voit les ponts, on voit les liens entre les références que vous avez mentionnées. Donc on a décidé de l'appliquer, mais au contexte donc de l'histoire de deux fillettes de 8 ans. Donc

Alors voilà, c'était Alex Alice, qu'on avait le plaisir de recevoir donc à l'occasion du Festival de la bande dessinée francophone de Québec. Je mentionne également au passage, en fait, quand même énormément d'expositions qui sont toujours en cours. Donc ça peut valoir la peine de jeter un coup d'œil à la programmation du Festival, parce qu'on peut avoir l'impression que tout est terminé, mais non, vraiment pas, bien au contraire. Énormément de choses qui sont en branle. Je parlais en début d'émission de projections, notamment ben, tout le mois, les samedis et dimanches à 13h30 et les vendredis à 18h30. Donc essentiellement maintenant, eh ben il y a des projections donc du côté de la bibliothèque Gabriel Leroy de films tirés adaptés de bandes dessinées. Donc je pense en fin de semaine notamment c'est Tintin et le secret de la licorne qui est présenté, il y a les Schtroumpfs et d'autres. Alors ça peut valoir la peine d'aller y jeter un coup d'œil, c'est entièrement gratuit en plus et il y a également d'autres activités du genre là, qui sont proposées autres que les expositions. Alors je mentionne au passage d'aller faire un tour sur le fbdfq.com. Alors voilà, nous c'est ainsi qu'on termine l'édition de cette semaine. La semaine prochaine, on porte un regard sur la bande dessinée à Shanghai. On jase également bande dessinée avec l'un de nos collaborateurs, Marco Duchesne, et plus. Alors, ce sera un rendez-vous dès 17h30, donc vendredi prochain. C'était Raymond Poirier au micro. Passez une excellente soirée sur les ondes du 89.1.